Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CGRO 107.7, 107.9, Carlsbad Verse. CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa. Et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe en Ontario. Merci beaucoup à ces stations-là de diffuser l'émission. Et bien entendu, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn. @commercial.gmail.com. Allons-y avec la deuxième heure de l'émission, deuxième partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario, avec un autre petit spécial d'un artiste que j'adore énormément. Il fait de la bonne musique hip-hop, slam, vraiment intéressant. C'est M. D-Track qui tout récemment était en prestation sur Facebook et... je vais vous envoyer trois pièces de trois albums différents de D-Track. La première étant ce texte tiré de Abri Tempo, très bon album. Autre bon album, c'est Message texte à Émile Néligan. On y retrouve la chanson Cybermonde affectif. Et je vais vous envoyer la pièce titre de son dernier album, qui s'appelle « Dieu est un Yankee ». Excellent album également. Si vous aimez la musique hip-hop, rap, slam, des bons textes, des bonnes musiques, des bons beats, comme on dit, ben, des tracks, c'est à surveiller. Le voici avec un excellent texte. Ça s'appelle « Ce texte ». Yeah. Ce texte est libre. Tu peux mettre plus de beats dans mes sons. Ce texte est libre. Yeah. De penser, ce texte est libre. Ce texte est posé comme en titre d'un rince bouche, mais il est sûr de vous faire perdre la line. Ce texte est point approuvé par la reine, motivé par la haine, comme un boxeur dans la reine. J'ai fait un texte exquis qui t'appelle, hein, qui entend vos cadavres exquis à l'appel. Ce texte te décroche les grands ours, puis le dépose dans ton assiette comme un supplément de bouffe. Ce texte vient pas d'un bailleur de fond, ah, même si je produis plus de têtes qu'un iPhone. Ce texte n'est pas approuvé du gouvernement provincial ou fédéral ou d'une caisse corrompue libérale. Ce texte ne vient pas de la raquette de fédéraire, et pour autant qu'à moi me produire des regards. Non, ce texte redore ton blason et ne se trouve pas sur l'étagère d'une tondeuse de gazon. Ce texte est libre, et libre de penser, ce texte est libre. Et libre de penser, ce texte est libre. Et libre de penser, ce texte est libre. Yeah. Ce texte n'est pas issu d'un contrat, et bien au contraire d'un combat qu'on livre à tous les issues. Il se hisse aussi aucune suite au rite, au risque qu'on plaque sur la liste de terroristes. Crée-moi que ce texte existe. Il vient pas de la tête d'un exorciste. Fuck FedEx, je peux te livrer ce texte tout de suite. Ce texte n'est pas à l'abri des poursuites. Ce texte ne vient pas de d'endossement, d'un enroulement de paroles qui sont dites faussement. Ce texte n'est pas approuvé par Harvard. C'est pas des conservateurs qui vont me faire peur. J'ai fait ce texte pour t'en faire voir, pas pour me faire des parts de marcher sur un territoire ou des parts de Timex et de bien plus. Ce texte est fait pour te donner l'or, juste ce texte est libre. Et libre de penser, ce texte est libre. Et libre de penser, ce texte est libre. Yeah. Et libre de penser, ce texte est libre. Ce texte n'est pas ambitions impossibles. Sans s'autodétruire, il va vivre le plus longtemps possible. Jusqu'à ce que ces mots atteignent leur cible. Jusqu'à la cime, ce texte est aussi pesant que la Bible. Il est le fruit d'un rêve auquel on s'accroche, comme le bras d'une femme auprès de sa sacoche. Ce texte n'a pas de sponsor. Ou bien tu l'aimes, ou bien tu restes, ou bien tu t'en vas. Mais ce texte est all love, comme le Taj Mahal. Dédicace aux femelles et aux morts en hall. Ce texte fout de la fluctuation du dollar. Ce texte suit la fluctuation de mon âme. Ce texte ne se trouvera pas sur le camp après une pub d'IKEA ou une chanson de René Simard. Ce texte n'a même pas besoin de beat. À mon avis, seules mes paroles suffisent. Ce texte est libre. Et libre de penser, ce texte est libre. Et libre de penser, ce texte est libre. Et libre de penser, ce texte est libre. Et libre de penser, ce texte est libre. Et libre de penser, ce texte est libre. Et libre de penser, ce texte est libre.

pensais Steph Curry. On me tire dessus, mais les projectiles font que m'effleurer. Les méchants, ça me fascine. Sylvester Stallone, Scarface, Khalid, we the best comme DJ Khalid. Basketballing, Arabie Saoudite, Wu-Tang, Shaolin, pis le reste, on s'en caoline. Oh. Tu ferais bien pour nous écœurer. On connaît le bien, le mal, l'amour pis la haine orange. Electro, Chuck Norris, les terroristes. La guerre est érotique, burger patriotique. Le ciel, le panorama commandité par Nike. Oh Lord, j'pense que la NASA est contrôlée par Jesus Christ. Oui, Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. God is American. God is American. Oh gars, y'a les Yankees, le sourire de bouche pis les mains pleines. Abraham dans la Lincoln, des billes pour les Clinton, pour construire les pipelines. Pense le ballon West Scott et Pippin. Dans les cratères, on va faire des piscines. La terre entière, oui, pimpin. De mon top aussi qui est le king du building. Quand j'étais kid, j'aimais le M. Grâce au McDo, j'ai compris l'alphabet. Le V à la WWF. J'préférais le fake, bien pendant le vrai. Vrai. Touchdown, j'ai appris les chiffres grâce au football. Si ça fait pas cash, ça fait pas de sens. Nique tes arguments, mon gun blow. NRA, Kevin Costner, évangile selon Paul Walker. C'est pour le père et le fisc, c'est pour le bien de la République. Onco Sam peut parler en puzzles, Onco Sam peut marcher sur les autres. Onco Sam peut marcher sur les eaux puis remplacer les aigles par des drones. Les USV pourront jamais crever, tant vous rêvez, ces navires sont trop élevés. Get the money puis le cash puis détail, alléluia. Pour le copie, le bon, le peace puis le love. Pour le métal et pour Metallica, pour Family Guy, faut que j'envoie mon respect à mon Bouddha. Dieu est un Yankee, God is American. Yes, Monsieur Détrac, natif de la région de l'Outaouais, mais demeure maintenant à Montréal, si je me souviens bien. Il commence à être de plus en plus occupé et de faire de plus en plus son nom, sa place dans le monde de la musique slam, hip-hop. Vraiment un gars très sympathique aussi, pas tête enflée, mais pas du tout, avec une belle plume. C'est vraiment génial. Ça nous amène à notre bloc instrumental et c'est, bon, les gens qui écoutaient Canrock depuis plusieurs années, vous allez reconnaître ces musiques-là que je vous ai proposées pour le bloc instrumental. On va commencer avec les gens de Onde Spirale, qui, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est un studio qui existait à Gatineau, dans le secteur Hall. Et ils avaient sorti un album, Remember, ça a des pièces instrumentales qui étaient inspirées de différentes personnalités, dont Alexandre de Saint-Exupéry et le Petit Prince. On va entendre la pièce The Little Prince, vraiment intéressant, vous allez voir. Par la suite, on va entendre The Moon, la Lune, tirée d'un album qui s'appelle Tarot, de mon bon ami Régent Paquin, qui avait écrit, qui avait fait un album concept sur une pièce instrumentale pour chaque carte du jeu Tarot. Et il y avait vraiment des choses intéressantes, le pape, la maison, la justice, la mort. Et il y avait une chanson qui s'appelait The Moon, la Lune, très intéressant, vous allez voir, j'aime bien ça. Et bon, je sais qu'on est rendu au printemps, ne paniquez pas. Mais il y avait mon bon ami Pajot, qui est maintenant leader de la formation Mystery, qui fait du progressif anglophone de Montréal. Mais à l'époque, il avait écrit une pièce Ice Storm. Et c'était vraiment magnifique, vous allez voir. Mais là, on s'en va voir Le Petit Prince, The Little Prince, Dak.